Chapitre 21e. La salle des assises était toute pleine. La curiosité publique se trouvait d'autant plus surexcitée que l'accusé appartenait à une classe élevée de la société. Ce n'était plus un meurtrier vulgaire, poussé par l'appât du vol ou la colère de la brute ivre. C'était un homme du meilleur monde, presque riche, intelligent, bien élevé. La victime était intéressante, sinon par ses vertus, au moins par sa situation bizarre. Tout ce que Paris avait de bien en fait de gens curieux de procès criminels, se pressait dans l'enceinte trop étroite. Lorsqu'après les formalités ordinaires, André fut introduit, tous les yeux se fixèrent sur lui, et bien peu dans la salle, purent se défendre d'un mouvement de pitié. Ce beau garçon, calme et fier, criminel, était-ce possible? Il avait dû bien souffrir avant de frapper l'épouse, sans doute infidèle. Ce fut l'avis de toutes les femmes et même de beaucoup d'hommes. Au terme du réquisitoire, André était accusé d'avoir attiré sa femme dans un lieu écarté pour la tuer et d'avoir fait disparaître son cadavre. Il l'écouta sans trahir d'émotion. L'interrogatoire fut court. André répondit avec beaucoup de clarté et de sang-froid. « Vous reconnaissez avoir rencontré votre femme sur le plateau de Dauphrigny ?»« Oui, monsieur le Président. Elle vous a parlé assez longtemps, que vous disait-elle »« Elle me demandait de lui rendre la liberté, afin qu'elle puisse retourner au théâtre, qu'elle avait quitté à contre-cœur pour se marier. »« Vous avez refusé ?»« Oui. » »« En lui demandant sa main, j'avais annoncé mon intention de lui faire quitter la scène pour jamais. » Elle l'avait accepté de bonne grâce. Elle avait paru le faire. Vous a-t-elle donné des motifs de jalousie? À cette question, André pâlit et ferma les yeux pour se recueillir. Rien ne lui semblait plus dur que de révéler au public les souffrances intimes qu'il avait pu subir. De plus, avouer de la jalousie, c'était donner plus de vraisemblance à l'accusation du meurtre. D'un autre côté, c'était peut-être faire valoir des circonstances atténuantes. Mais quelque désir qu'eut juste André d'améliorer sa situation, il ne pouvait se décider à dévoiler le fond de son cœur blessé. Il répondit d'une voix calme. « Ma femme ne m'avait pas donné de motif de jalousie. Mais, insista le président, à Trouville, n'y avait-il pas eu certaines promenades à cheval, dont vous aviez été mécontent ?» André releva fièrement la tête. « Je n'ai pu me montrer mécontent d'une chose que je considérais comme une infraction aux convenances. Mais ni là ni ailleurs, il ne pouvait être question de jalousie. » Un léger murmure d'approbation parcourut la salle. Alors votre discussion sur le plateau de Dauphrigny n'avait pas d'autre cause que le désir exprimé par votre femme de rentrer au théâtre, pas d'autre cause. À la suite de vos refus, qu'est-il arrivé? Elle a voulu s'enfuir. Je l'ai prise par le bras pour la retenir. À quelle distance vous trouviez-vous de la Meuse? 10 ou 15 mètres. Qu'est-il arrivé? Ma femme, dit André après une imperceptible hésitation, tant il lui coûtait d'employer ce mot. « Ma femme m'a frappé d'un petit poignard qu'elle tenait caché et s'est précipitée vers la rivière. Je l'ai vu sauter et disparaître. » Un frisson d'horreur remua l'auditoire. « Est-ce avec cette arme que vous avez été frappé ?» demanda le président en présentant à André le petit stylet ramassé sur le plateau. « Précisément, » répondit-il sans se troubler. « La blessure était-elle dangereuse ?» demanda l'un des jurés. « Non, » fit André. Elle était douloureuse et m'a donné la fièvre, mais elle ne m'a jamais causé d'inquiétude, comme peut le dire le docteur Langlois qui m'a soigné. D'après vous, reprit le président, votre femme se serait jetée à l'eau dans l'effroi que lui aurait causé la pensée de vous avoir tué. Je ne sais ce qu'elle a pu penser, répondit André. Je crois qu'elle avait perdu la tête. Elle avait un caractère inégal et emporté. Vous avez cherché son corps? Malgré ma blessure qui me faisait beaucoup souffrir, je suis descendu et j'ai cherché partout, suivant le cours du fleuve, jusqu'à ce que la nuit fût tombée depuis longtemps. Je n'ai pas trouvé la moindre trace, même de la chute. Vous n'êtes rentré à l'auberge que le lendemain pendant la nuit? Je me suis reposé dans une autre auberge, dans un village assez éloigné. On n'a pu retrouver personne qui ait souvenir de cet incident. C'est fâcheux, répondit André. Cependant, c'est la vérité. Vos vêtements étaient déchirés et souillés debout. J'avais passé une partie de la nuit à marcher sous la pluie, en explorant les buissons de la rive. Un silence se fit, long et solennel, puis le président posa cette question d'une importance vitale. Pourquoi, en présence du suicide de votre femme, n'avez-vous pas prévenu les autorités et provoqué les démarches nécessaires pour retrouver son corps? C'était en effet la question que se posaient même les partisans d'André. J'étais trop bouleversé, dit-il d'une voix calme, et je pensais trop peu aux conséquences possibles de mon silence, préprouver d'autres sentiments qu'un désir ardent de m'éloigner de ce lieu où je venais de subir une terrible épreuve. Les juges s'entre-regardèrent. La réponse était mauvaise, évidemment. Qui pourrait se payer de telles raisons? L'avocat d'André s'en aperçut, mais il n'y pouvait rien. Jamais l'ingénieur ne lui avait dit autre chose. « Vous consentiez ainsi, dit le président, à laisser dans l'incertitude le destin de la femme qui avait porté votre nom et que vous aviez épousée par amour. Après l'avoir vue sauter dans un fleuve situé à 30 pieds au-dessous, je ne pouvais croire que deux choses, ou que son corps avait coulé au fond de l'eau, dans lequel cas il serait entraîné au bout de quelques jours, ou bien que la rivière l'avait emporté sur le champ. Dans ce cas, elle était trop loin pour lui porter secours, bien avant que je fusse descendu jusqu'à la rive. Restait une possibilité, que le courant l'eût porté au bord, mais j'avais cherché sur un parcours de plus d'une lieue, et je savais qu'il n'y était pas. Raison de plus pour avertir les autorités, fit observer le président. André ne répondit pas. Un frisson secoua tout le corps de Marguerite, qui jusque-là regardait son fiancé de tous ses yeux, serrant fortement, sans s'en apercevoir, la main de sa sœur qu'elle tenait. « Il faut toujours se mettre en règle avec la loi, » reprit le président. « Et on le fait toujours, à moins d'avoir des motifs pour agir autrement. »« Il ne me servit à rien de faire ce que vous dites, » répondit tranquillement André. « Ce qui m'arrive aujourd'hui fut arrivé 3 ans plus tôt, voilà tout. »« Quels sont les motifs qui vous ont engagé à chercher la lumière ?»« Je voulais me remarier, » dit André, « et pour cela, il me fallait un extrait mortuaire de ma première femme. » Le même courant sympathique qui avait salué l'entrée du jeune homme et que sa mauvaise réponse avait un peu refroidi se manifesta pour la seconde fois. Un homme qui veut se marier est toujours intéressant. Les femmes surtout s'émurent en sa faveur, mais le silence se rétablit bientôt et les visages prirent une expression de curiosité inquiète. On allait procéder à l'audition des témoins.